بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس الماضي, الدernier audio, ou plutôt on va dire le premier audio, on a pris ماذا l'explication du titre du livre ainsi que la tarjama du mu'allif, de l'auteur. De là, nous allons commencer par le premier verset cité par l'auteur, rahimahullah ta'ala, qui est l'imam Mohamed al-Amin Chalkiti, rahimahullah ta'ala, fi surat al-Baqara. Dans le verset, dans le deuxième verset, قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب ألف لام ميم, voici le livre. Là, c'est une masala qui est liée à la langue arabe en soi, qui n'apparaît pas forcément dans la traduction. Les points qu'il cite des fois n'apparaissent pas forcément dans la traduction, mais ceux qui sont arabophones ou qui ont certaines connaissances en langue arabe arrive à comprendre le sens voulu, ce qui pourrait apparaître comme étant un ishkel. Donc là, قال أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد, que Allah Azza wa Jal a indiqué ce livre en se servant d'un quoi, d'une indication qui à la base s'applique pour les choses lointaines. يعني le ism إشارة قال ذلك. Ceux qui ont appris un peu langue arabe savent que des asma إشارة, il y en a certains qui sont là pour définir une chose qui est proche, comme « ذا »,« هذا », et d'autres qui sont pour les choses plus éloignées, comme « ذاك » ou « ذالك ». À la base, « ism ishara » tout seul, du singulier, masculin, c'est « ذا », tout seul. Quand on dit « هذا », on a rajouté le « ها », ça s'appelle « ها تنبيه ». Et l'autre, « ذاك », on a rajouté « كيف الخطاب ». C'est un « harf » de « خطاب », ça s'appelle comme ça. Et ce « ذاك » s'emploie pour une chose qui est plus éloignée. Et pour mettre encore plus éloigné, on rajoute lem el bourd. On dit zalika, le lem qui vient avant le kef. Zalika. Donc là, Allah Azza wa Jal a dit à propos de son livre, zalika al kitab. ثم قال وقد أشار له في آية أخرى إشارة القريب كقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Alors que dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal a indiqué ce livre avec le ism shara pour ce qui est proche, al-qarib. Comme dans sa parole, dans le sens où il dit, certes, inna hadha, shayd hadha, inna hadha al-Qur'an, certes, ce livre. Donc là, en français, ça n'apparaît pas également. Mais dans le verset, il a dit, inna hadha. Également, fi qulillahi Azza wa Jal, ça c'est dans le verset, je cite le verset aussi, c'est surat al-Isra, verset 9. Qu'on vient de lire là. Wa kathalik, dans sa parole, il dit « Inna hadha al-Qur'an yaqussu ala bani Israël ». Certes, ce Qur'an cite sur bani Israël. Donc là, il a dit quoi ?« Inna hadha al-Qur'an ». Hadha, une fois de plus. Ça, c'est surat An-Naml, verset 76. Ani les abeilles. « Wa kakawlihi wa hadha kitabun anzalnahu mubarak ». Et voici un livre que nous avons fait descendre. Mubarak. Donc il a dit wa hadha kitabun. Ça c'est surat al-An'am de verset 92 à 155. Wa kaqoulihi ta'ala nahnu naqussu 'alayka ahsana al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an. Donc nous citons sur toi les meilleurs des contes de ce que nous t'avons révélé. Même ce Coran, il a dit quoi ? Hadha al-Qur'an, hadha, ism ishara. Et d'autres versets. Donc comment lier entre ce verset dans Sourate al-Baqara, qui commence par un ism ishara pour ce qui est loin, qui est le ba'id, et les autres versets où il cite ism ishara qui est karim. قال للجمع بين هذه الآيات أوجه. Donc cela de plusieurs réponses. الوجه الأول ما حرره بعض العلماء البلاغة من أن وجه الإشارة إليه بإشارة الحاضر القريب إن هذا القرآن قريب حاضر في الأسماع والأسنة والقلوب. Donc là, en premier lieu, ce que les savants du balagha, la science du balagha, qui est la science de l'éloquence en langue arabe, ont dit, مثلاً, le fait d'indiquer par une chose qui est proche, du fait que Allah Azza wa Jal a fait que ce Coran il est proche de nous, du fait qu'on l'entend, du fait qu'on le prononce, d'accord, et qu'il est proche des cœurs. C'est-à-dire le kalam d'Allah Azza wa Jal, on l'entend, on le prononce lorsqu'on sait du Coran, et que lorsqu'on le mémorise, il est dans nos cœurs. Donc il est proche de nous. وَوَجْهُ الْإِشَارَ إِلَيْهِ بِشَارَةِ الْبَعِيدِ وَهُوَ بُعْدُ مَكَانَتِهِ وَمَنْزِلَتِهِ مِنْ مُشَابَهَةِ كَلَامِ الْخَلْقِ وَعَمَّا يَزْعُمُهُ الْكُفَّارُ مِنْ أَنَّهُ بِأَنَّهُ سِحْرٌ أَوْ شِعْرٌ أَوْ كِهَانَةٌ أَوْ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Et lorsqu'il emploie l'ishara de ce qui est loin, il se ishara pour ce qui est loin, c'est pour son haut rang, le haut rang de ce livre, ce haut statut, du fait qu'il est loin de la ressemblance à la parole des hommes. De ce que prétendent les koufars, que ce Coran est du sihr, de la sorcellerie, ou de la poésie, ou une parole qui provient des voyants, ou alors qui est des contes d'anciens. On peut dire que le Coran est bien plus haut que cela, bien plus loin que tout cela. Ça, c'est une réponse qui était donnée. Al-Wajhu Thani, huwa Makhtarahu, Ibn Jarir, At-Tabari, fi tafsirihi. Mi anna dhalika isharatun ilima tatadammanahu qawluhu alif lam mim. Wa annahu ishara ilayhi isharat al-ba'id lianna al-kalam al-mushar ilayhi munqadhin. Wa ma'nahu fi al-haqiqa al-karib, li kurbi inqidha'ihim. Donc, deuxième réponse, donnée par Ibn Jarir, al-Tabari, Abu Ja'far, dans son fameux tafsir. D'ailleurs, cet imam a été nommé comme étant Abu al-Tafsir, Abu al-Tafsir. Et le tafsir d'Ibn Kathir est fortement, est une forme de résumé de ce tafsir-là de Ibn Jarir. Donc, il dit quoi? Que Allah Azzawajal a employé le ismi shara d'il-ba'id, de ce qui est loin, car la parole qui était prononcée, qui était alif lam mim auparavant, elle est passée. D'accord ? Elle est passée déjà. Mais son passage est proche de nous encore, en fait. Sa citation est toujours proche. Il donne l'exemple d'une personne qui parle avec une autre personne et qui lui dit, مثلاً, Wallahi inna zalika la kama kulta. Un homme dirait à un autre homme, Wallah, cette chose-là est comme tu l'as dit. Inna zalika la kama kulta. C'est comme tu l'as dit. Et une autre fois, ce même homme dirait, Wallah, inna hadha la kama kulta. Avec l'ismi shara, l'karib. Il dit, Wallah, ce que tu as dit, ou cela est comme tu l'as dit. Nous, comme on dit en français, l'ismi shara, il n'y a pas de différence. On va dire ceci, on va dire cela, on va dire voici, on va dire ce. Ainsi de suite. Il n'y a pas de différence entre le qarib et le ba'id. Mais en arabe, ça se voit tout de suite. Donc, c'est quoi la cause de cela? Que l'ishara, ishara al-ba'id, le fait d'utiliser le ba'id, hadha nazaran ila anna al-kalam madha wa anqadha. Lorsqu'on vient avec le ism ishara pour le ba'id, pour ce qui est loin, pour dire que la parole, elle est finie, elle est déjà passée. Wa ishara al-qarib nazaran ila kurb intiqidha'ihi. Et lorsqu'on prend celui qui est qarib, c'est pour dire que cette chose-là vient de se terminer maintenant là. C'est-à-dire c'est proche de nous. C'est passé, c'est fini, mais son aboutissement a eu lieu yani récemment. Donc de là, on utilise quoi? Le ismi shara al-qarib. Qala wajh thalith an al-arab rubbama asharat ila al-qarib ishara al-ba'id. Fatakun al-ayatu ala usub min asalib al-lugha al-arabiyya. Troisième réponse, c'est que les Arabes des fois indiquaient une chose proche par un ism ishara qui était ba'id. Donc le Coran est venu comment? Bien évidemment avec l'usloub, le style de la langue arabe. A savoir que la langue arabe, le Coran est la parole d'Allah incréée. Le Coran n'est pas venu après la langue des Arabes, il est venu bien avant. Allah Azza wa Jal, son kalem, n'a pas de début. Mais pour dire que cette langue arabe, comme elle est connue à ses règles, que le Coran, pour montrer aux Arabes justement que cette langue-là est bien la leur, et que c'est la même, ils parlent d'une façon qu'eux-mêmes connaissent. Donc c'est un style arabe. Et de là, c'est à des vers de poésie. Et il dit que ça, c'est l'avis cité par Al-Bukhari, selon Ma'mar ibn Musanna, et d'autres. Et c'est la parole choisie par Ibn Kathir. فَقَالْ وَعَلَى كُلِّ حَلْ فَعَمَّتُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْكِتَابِ بِمَعْنَا هَذَا الْكِتَابِ. Donc il dit maintenant, l'ensemble des Mufassirin, de toute façon, quelle que soit la réponse, évoque le fait de dire « ذَلِكَ الْكِتَابِ », ça a le même sens que « هَذَا الْكِتَابِ ». En français, on dira « voici le livre » et la traduction, elle sera la même, de toute façon, ça n'apparaît pas en français. Donc de là, C'est une chose que des fois des gens débutants surtout en langue arabe lorsqu'ils apprennent ismishara, ils voient que ça c'est pour ce qui est proche, ça c'est pour ce qui est loin. Et après ils voient le Coran, ils voient ismishara pour ce qui est loin. Ils disent pourquoi Allah il a dit zalika, il n'a pas dit hada ou le contraire. Donc là la réponse a été alhamdulillah donnée par le cheikh rahimahullah ta'ala. Fabi bihadha al-qadr naktafi walhamdulillah bil alamin.